La patte de dodo par Arnaud Fontaine. Amaury Maroquivois était l'un de ces individus que personne ne remarquait jamais, justement parce qu'il n'avait rien de remarquable. Comptable obscur et besogneux de la Bourbon Trust, la plus puissante entreprise de l'île de la Réunion, il était un homme dans la foule. Ni assez beau pour attirer le regard, ni suffisamment laid pour daigner être repoussant, il avait une intelligence moyenne et une timidité maladive qui lui promettait une vie dans l'ombre de ses semblables. Pourtant, il descendait d'une prestigieuse lignée. Son grand-père avait été le directeur des thermes de Helbourg, l'un des établissements balnéaires les plus réputés de l'île. Sa grand-mère Eudoxie, surnommée Mamoun Dodo, était une légende vivante, membre le plus célèbre d'une famille de sorciers malabar. Depuis des siècles, son clan régnait sur les hauts et pratiquait la magie jaune, cet art sacré venu des Indes, appelé ainsi car basé sur le culte du feu. L'usage des flammes était réputé depuis des temps immémoriaux comme un outil de purification visant à brûler le mal. D'ailleurs, lors de sabbats dans la plaine des Cafres, les prêtresses habillées en sari jaune et rouge mimaient la couleur du feu crépitant dans leurs rondes dansantes. Le pouvoir de Mamoun Dodo semblait illimité. Elle guérissait les malades condamnés par la science, rendait fécondes les femmes stériles, apaisait les fous. Mais la magie malabar ignorait la notion de bien et de mal. Elle se servait tout aussi facilement de ses pouvoirs magiques pour tourmenter les hommes. Il lui suffisait d'une poignée de safran et de quelques mots pour changer le meilleur homme en urine de Shiva et rendre sobre, en quelques semaines, le dernier des alcooliques. Elle savait nouer l'aiguillette afin d'empêcher la consommation d'un mariage qu'une famille refusait ou pour rendre fidèle un mari volage. Il s'agissait alors pour cette sorcière de lier un cordon en prononçant des formules pour frapper l'homme d'impuissance. Eudoxie excellait aussi dans un rituel destiné à enlever le mauvais œil. On appelait cette cérémonie le rite dit de brûler les yeux. Dieu soit loué, cela n'était pas à prendre au sens propre. La seule chose qu'elle faisait brûler, c'était des épices pour chasser le mauvais œil, conjurer le mauvais sort et soulager la victime. L'esprit expulsé était enterré sous forme de 3 graines de piment au pied d'un bois de golette, en attendant de germer à nouveau dans le corps d'une autre personne. Le vrai mal, Mamoun le savait bien, était indestructible. Enfin, la vieille femme fabriquait aussi toutes sortes de talismans destinés à détourner le mal, et même à le renvoyer à celui qui en était à l'origine. Eudoxie enseignait cela à ses disciples sous le nom de transfert d'envoûtement. Les sorciers malabar étaient très réputés pour retourner les sorts à l'envoyeur. On appelait ces amulettes des garanties. Elles devaient être portées directement au contact de la peau ou ne jamais quitter le détenteur pour être efficaces. Ces garanties fonctionnaient également dans les deux sens et servaient d'assurance tout risque à la sorcière. On disait en effet que si le client ne la payait pas ou qu'il ne croyait plus en elle, les effets du talisman s'annulaient et que le malheur un temps conjuré revenait à nouveau s'abattre sur la victime. Mais ses pouvoirs magiques avaient un prix. Une étrange malédiction planait sur les Maroquivois. Si les femmes faisaient des centenaires, les hommes, eux, n'atteignaient pas leurs 40 ans. Depuis 3 siècles qu'ils étaient sur l'île, on ne connaissait pas un seul Maroquivois qui fût mort, comme tout le monde de vieillesse ou dans son lit. Ceux-ci étaient victimes d'un accident de la route, ceux-là se noyaient. On citait même un homme de cette famille qui s'était perdu dans le cirque de Sillaos et avait été dévoré par des bêtes. Le père d'Amaury, ironie du sort, était décédé à 37 ans chez le cardiologue pendant un test d'effort en pédalant sur un vélo d'appartement. Sentant sa fin prochaine, Mamoun Dodo appela son petit-fils pour qu'il vienne la voir dès le week-end suivant dans sa case, la bouche de l'enfer, à Helbourg. De retour dans la demeure de son enfance, Amaury contempla le parc et prit le temps d'admirer les orchidées qui en étaient les reines. La jungle bien ordonnée de palmiers et de veloutiers, cloîtrée par de hauts murs, protégeait l'espace clos. Les jardins fleuris à La Réunion étaient l'expression d'un certain art de vivre. Ils se présentaient sous la forme d'un véritable fouillis organisé, où se mêlaient plantes comestibles et ornementales dans la cour des cases créoles. Leur composition était liée en partie aux traditions et aux superstitions. La magie vibrionnait au contact de cette nature luxuriante, elle y puisait son énergie immémoriale. Le jeune homme s'était invité pour le déjeuner dominical, lui qui ne ratait jamais une bonne occasion de déguster le divin rougail saucisse de son aïeul. À la fin du repas, la vieille femme sortit un coffret en bois précieux et l'apporta sur la table. « C'est ton héritage, mon petit. »« Héritage, Mamoun ?»« Oui. Je vais bientôt vous quitter, alors je veux mettre mes affaires en ordre. »« Ne dis pas ça. Tu es solide comme un roc, » répondit Amaury. « Écoute, mon marmaille, tu n'as pas de talent pour la sorcellerie. C'est à ta sœur que reviendront mon grimoire et mes pouvoirs. Mais tu as toujours été gentil et aimant avec moi. Alors je vais te donner mon gris-gris le plus puissant. » Amaury n'avait jamais cru à ces histoires de magie et d'envoûtement autrement que pour s'en tenir éloigné au cas où. Il ne recherchait pas les trèfles à quatre feuilles, ne croyait pas au pouvoir des fers à cheval, mais en revanche se signait quand il croisait un chat noir et évitait de passer sous une échelle. Superstitieux mais pas gogo, se disait-il. Aussi le fait de se retrouver en possession d'une amulette le laissa-t-il sans voix. Lorsque la vieille femme ouvrit la boîte en teck pour découvrir son contenu, il eut même un mouvement instinctif de recul. Une grosse patte de volatile grotesque enrubannée de rouge et de jaune y était momifiée. Il en resta bouche bée. Sa grand-mère sortit cérémonieusement le fétiche et invita le jeune homme à la suivre dans la pièce où elle avait ses autels votifs. Elle s'agenouilla au pied de celui de Sarasvati, la déesse hindoue de la sagesse. Amaury l'imita. Ils commencèrent à prier de concert. « Oh, déesse Sarasvati, à la peau aussi claire que la lune couleur de jasmin, à la blanche guirlande de gouttes de rosée, au radieux et pur manteau blanc, au bras magnifique tenant le Véna, au trône de lotus blanc entouré et respecté des dieux. Oh, déesse Sarasvati, protège-moi. Puisses-tu me délivrer de ma paresse et de mon ignorance ?» La vieille femme tendit alors à son petit-fils un verre d'eau. Il le but. Elle réitéra avec un verre de lait qu'il vida aussi. Elle le regarda satisfaite et lui dit qu'à la création du monde, le chaos régnait et que la pensée était dans un état informe. Brahma voulut y remédier et demanda à Devi quoi faire. La divinité lui répondit que pour mettre de l'ordre dans le désordre, seule la connaissance était le remède. La connaissance aide l'homme à trouver des solutions là où il voit des problèmes. D'un œuf, il fit alors naître Sarasvati et cette dernière enseigna aux hommes les proverbes. Eudoxie se saisit alors de la patte embaumée et précisa que c'était l'une des deux pattes du dernier dodo qui avait vécu à la Réunion. Lorsqu'il a été abattu, un de leurs ancêtres, lui-même grand sorcier, avait récupéré cette patte et l'avait consacrée à Sarasvati, car en exterminant une espèce, l'homme blanc avait encore une fois prouvé son manque de sagesse. Lors de la cérémonie, Ojas le thaumaturge, épuisé par le rituel, rendit son dernier souffle et transféra son énergie vitale et toute sa magie à la patte de dodo. Dès lors, la patte avait le pouvoir de réaliser les proverbes. « Réaliser les proverbes ?» répéta incrédule Amaury. « Oui, attrape le chat et mets-le dehors. » Marikivoa obéit à la vieille femme sans mot dire. Il attrapa le gros matou qui se prélassait dans la pièce de vie de la case et le déposa sur le seuil de la porte. La grand-mère se mit à triturer ostensiblement le fétiche en prononçant « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. » Quelques minutes passèrent dans un silence monacal. Puis, on entendit des craquements. D'un trou, dans l'une des plinthes du salon, émergea un premier petit museau, suivi d'un deuxième qui se rua dans la pièce. Un troisième, à moustache noire, arriva de la cuisine. Le quatrième, replet, venu d'on ne sait où, se joignit à la jante trotte-menue. Sous les yeux émerveillés d'Amaury, les souris se mirent à courir en cercle l'une après l'autre, dans une sorte de ronde, de ballet gracieux. Mamoun ne disait mot, mais son regard triomphant s'imprima au plus profond de l'âme de son petit-fils. La patte de dodo accompagna son nouveau propriétaire à son travail dès le lendemain, se faisant oublier dans la poche du pantalon lors des interminables réunions de la matinée. Le midi, Jude, le collègue et ami d'Amaury, se leva pour aller chercher un broc d'eau. Durant cette absence, le créole commença à manger et repensa à la patte. Mettant sa main dessus, il la caressa et marmonna « T'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. » Jude, qui revenait et traversait la salle des commensaux, se retrouva tout à coup avec la seule lance du pichet dans la main. La partie contenant le liquide s'était soudainement détachée. Elle vint s'éclater à ses pieds dans un grand fracas de verre. Tous les yeux stupéfaits se tournèrent vers lui. Tétanisé, trempé, il était comme paralysé au milieu du réfectoire. Certains rirent, d'autres applaudirent. Amaury, lui, venait de comprendre l'incroyable puissance incantatoire du fétiche qui était désormais le sien. La semaine suivante, la responsable des ressources humaines, une magnifique gaffrine aux yeux de biche, descendit à la comptabilité afin de s'entretenir avec l'un des préposés qui ambitionnait une promotion au service clientèle. Une séduction puissante émanait de cette femme. C'était une de ces Circé qui transporte, qui grise, qui envoûte sans que vous ne sachiez ni comment ni pourquoi. Amaury, qui se sentait d'une audace toute nouvelle, l'intercepta avec son propre CV en main. Après quelques banalités d'usage, il osa poser sa candidature à la promotion. Avant que la jeune femme ne répondît, il caressa discrètement son talisman en déclarant sentencieusement « Il en est ainsi en ce monde, quand l'un descend, l'autre monte. » Le mois suivant, il faisait ses cartons pour les tâches supérieures. Afin de remercier sa bienfaitrice, il l'invita à dîner. Comme elle hésitait, il ajouta « Chère Julie, l'histoire ne repasse pas les plats. » Le soir même, ils soupaient ensemble. Pour faire bien les choses, Marie Kivoy avait choisi un magnifique restaurant. L'un de ces lieux où l'on dînait avec ostentation, entre gens comme il faut, qui n'avaient rien à se dire, mais qui étaient là pour se montrer. Le peu de mots échangés autour des tables voisines faisaient que l'on pouvait soi-même se dispenser de se lancer dans de trop longs discours. Le cadre primait sur l'échange. Amaury, qu'aucun talisman n'aurait su guérir de sa nature timide, se sentait rassuré par ce service minimum qu'il avait à effectuer lors du repas. Il réussit à amuser son invité et à lui arracher ainsi un rire cristallin. « Femme qui rit à moitié dans son lit », persifla-t-il en triturant son porte-bonheur pendant qu'elle était partie se repoudrer le nez. Un dernier verre chez elle à grand renfort de champagne lui livra l'autre moitié. Et au petit matin, en se rasant, il regarda la patte de dodo et la cajolant, il se réjouit. Amour parfait bannit la crainte. Lorsqu'Amaury intégra le service clientèle, il se montra un homme fort zélé. Il commença par prendre en charge les impayés que personne n'aimait recouvrer. Puis il accepta de faire la tournée des cirques, Malafat, Silaos, que ses collègues méprisaient pour le temps que cela requérait et les faibles commissions que cela rapportait. Tout ce que les autres collaborateurs refusaient de prendre, par paresse ou par dégoût, il le fit avec empressement. On le considéra vite comme un tâcheron et on le laissa travailler en marge des querelles de pouvoir et des coups tordus. Tous croyaient qu'il travaillait pour eux. En réalité, Marie Kivoy travaillait pour lui-même. Ainsi avait-il moins à redouter les jalousies, dès lors qu'il avait l'air terne et si utile. Petit à petit, il gravit les échelons, s'élevant au-dessus de la foule des bravages qui l'entouraient. À force de persévérance, il effectua son ascension. La patte de dodo toujours à portée de main, il ne l'utilisa durant cette période que pour régler les problèmes insolubles ou pour des demandes volontairement futiles. Était-il vraiment si transparent physiquement? À vrai dire, depuis son mariage avec Julie et la naissance de leur fille prénommée Eudoxie comme feu sa grand-mère, il ne répondait plus à l'image première qu'on s'était faite de lui. Autrefois, c'était un petit jeune homme maigre, bredouillant quelques mots d'une voix grêle et sur un ton obligeant, factuel et bref qui se complaisait dans l'anonymat. Désormais, il avait changé. Il parlait toujours aussi rarement, mais pour d'autres raisons. Il économisait ses interventions devenues précieuses, comptait et pesait chaque mot. Il avait pris du poids et beaucoup d'autorité. En charge à présent des gros comptes, il avait accru son prestige en pratiquant, toutefois prudemment, une certaine pusillanimité. Pas de phrases ronflantes, pas de faux-semblants. Il rompait avec les pratiques habituelles des commerciaux au profit d'une sagesse de bon aloi émaillé de proverbes qu'il aimait à citer à l'occasion. Il se gardait de dire oui, mais évitait cependant de dire non. Ainsi esquivait-il certaines questions, sans offusquer ou décourager son interlocuteur. Il suscitait les attentes, sans pour autant s'engager. Devenu maître en négociation, il arrivait toujours à ses fins, achevant de convaincre son partenaire par un « Oh, vous savez, mieux vaut tenir que courir ». Ce dernier aurait pu remarquer que cette phrase était son dernier recours lorsqu'il se sentait à court d'arguments. Si le client, petite souris, avait pu regarder ce qui se passait sous la table, il aurait vu la poche du pantalon d'Amaury se bosseler lorsque celui-ci triturait la patte de dodo continuellement à sa portée. Cette forme de maniaquerie commençait d'ailleurs à poser des problèmes sans qu'il s'en rende compte. Dès qu'il était stressé, Marie Kivoy avait la fâcheuse tendance de caresser son talisman comme d'autres faisaient coulisser leur alliance sur leur annulaire ou claquer le bracelet élastique qu'ils portaient au poignet. Un jour, Lors d'une réunion, il s'emporta contre l'un de ses collaborateurs qui évoquait une sordide affaire de spoliation de terres agricoles. Cette affaire empoisonnait la vie de la succursale de la Bourbon Trust à Madagascar. Amaury s'agaça. Plus on remue la merde, plus elle pue. Le soir même, tout le quartier du Barachois fut victime d'une défaillance du réseau d'assainissement. Trois cureuses furent nécessaires pour purger le système des eaux usées et faire disparaître l'odeur pestilentielle. Personne, bien évidemment, ne songea à imputer la responsabilité de cet incident malodorant au nouveau directeur général adjoint. Pourtant, il en était bel et bien à l'origine. L'ascension d'Amaury Marekivoy vers le sommet de la pyramide sociale semblait inexorable. Quelques mois seulement plus tard, lorsque son patron, Edmond Payet, prit 15 jours de vacances, c'est à lui que l'on confia la gestion des affaires courantes. « Savez-vous ce que le boss fait pendant ses vacances ?» demanda-t-il un jour d'un air détaché à la secrétaire de direction. « Il est au Kenya pour un safari. »« Un safari photo ou pas que ?» Le sourire gêné de la jeune femme lui en dit suffisamment long sur les loisirs de son chef. Seul dans l'ascenseur qui le descendait au parking souterrain, Amaury frotta la patte de dodo et prononça à haute et intelligible voix « Qui va à la chasse perd sa place ». Quelques jours plus tard, Marekivoy fut convoqué à une réunion de crise avec le président du groupe en personne. À son arrivée, on lui annonça qu'une discussion était en cours pour définir les modalités du limogeage d'Edmond Payet. Tout avait commencé par la diffusion de plusieurs photos du vacancier posant en compagnie de fauves morts en guise de trophée. C'était une sympathisante de la cause animale qui avait allumé la mèche avec un post partagé plus de 10 000 fois par les internautes. Elle avait dénoncé les exactions de ce riche étranger qui était venu acheter à coups de milliers de dollars le plaisir cruel d'exterminer des espèces protégées, souvent droguées, en semi-liberté dans une réserve. La polémique avait enflé avec la rapidité d'un feu de brousse. Edmond eut beau protester que la chasse était légale, le mal était fait. De nombreux utilisateurs ayant commencé à appeler au boycott de l'entreprise, le conseil d'administration décida d'agir sans tarder. 2 heures plus tard, Amaury était directeur général par intérim. Il s'adressa à la presse en ces termes. « La Bourbon Trust n'a encore jamais été confrontée à une crise issue des réseaux sociaux. L'entreprise rappelle qu'elle est totalement opposée aux activités privées de chasse de ses collaborateurs, car elles sont contraires à ses valeurs. Une procédure disciplinaire est donc lancée contre M. Payet, qui a reconnu les faits. J'occuperai jusqu'à nouvel ordre ses fonctions, avec pour tâche de ramener la sérénité dans les affaires du groupe. » Marekivoy prit possession du bureau du directeur général après la passation d'usage. Le Saint des Saints de la Bourbon Trust était une pièce circulaire, comportant de larges baies vitrées, où venait scintiller au coucher du soleil une lumière rouge éclatante comme il n'en existe que dans l'océan Indien. Confortablement assis dans le fauteuil en cuir plein de fleurs noires aux larges accoudoirs, le nouveau boss admirait son énorme bureau aux pieds en forme de patte d'éléphant. C'est d'ailleurs ce goût pour les animaux de la savane qui s'était avéré fatal pour son prédécesseur. Le retentissement strident de l'interphone troubla sa douce rêverie dans l'univers infini des possibilités qui s'offraient désormais à lui. D'un geste négligent, il appuya sur le bouton. « Jude Bénard est arrivé, monsieur le directeur général, » annonça l'assistante. « Qu'il entre. » Le petit comptable pénétra et observa attentivement le nouveau capitaine d'industrie. Amaury l'accueillit avec une chaleureuse poignée de main. « Oh mon Dieu, quel bureau, quelle vue magnifique !»« Eh oui, Jude, qui aurait pu le croire ?»« Quelle belle réussite, je suis si heureux pour toi !» Marekivoy, au comble de l'excitation, porta la main à sa poche pour retrouver le fameux gris-gris qui avait fait sa fortune. « Merci, mon ami. Est-ce que je peux te poser une question indiscrète ?»« Oui, bien sûr, mais je ne te garantis pas la réponse. » »« Tu es l'un des hommes les plus puissants de l'île maintenant. Tu comptes t'arrêter où ?» S'enfonçant mollement dans son fauteuil, Amaury éclata de rire tout en triturant son amulette. « Nulle part ailleurs, j'y suis, j'y reste. » La patte de dodo fit immédiatement son office. Sous le regard médusé de Jude Bénard, Amaury devint tout à coup d'une pâleur extrême, se mit à suer abondamment et, après un ultime hoquet, s'effondra sur le bureau. Le cœur du dernier descendant mâle des Marekivoy cessa de battre. Le grand patron qu'il était venait bel et bien d'y rester, et ce, à l'aube de ses 40 ans, conformément à la malédiction familiale. Ainsi s'achève « La patte de dodo » par Arnaud Fontaine.